Comme tout le monde, je vis ma vie avec Joe Black aux fesses. Des montagnes de soucis qu'on ne monte pas en tire-fesses. Des devoirs qu'on néglige ou des choix qu'on regrette. Un gros appétit qui ne bouffe que des miettes. Oui mec, j'ai connu la dalle, faut que mon fils connaisse la graisse. Comme tout le monde, j'ai fait du mal, faudra bien que je me confesse. Avant que tout s'écroule, à ma mère lui faire un building. La vie ça donne des coups, laisse-moi faire du bodybuilding. Besoin d'avoir du standing, avoir une standing. Mec, après le ding ding dong, mec, faire le tour du monde avec mes camarades, squatter les hit parades avec mes calalades. La vie c'est voyager pour rire, pas des bougies d'anniversaire qu'on éteint avec des soupirs. Fini de voir nos yeux faire les canadaires, vivons vite nos médailles avant qu'il nous reste que les repères. J'ai fait ça comme un livre où les pages se terminent. J'ai plus de temps car je dois m'en aller loin de là. Avant que je fly, fly, fly, j'ai besoin de time, time, time. Prier dans le ciel, devenir un symbole. Déployer mes ailes que je m'envole. Faudra bien que je fly, fly, fly, j'ai besoin de time, yeah. J'ai besoin de time avant que mon âme fly. Tu sais j'ai pas la voiture, moi de Marty McFly. Donc dis-toi bien que c'est maintenant que je dois bien faire mes bails. Si la vie me crève les yeux, t'inquiète, je la vivrai en braille. Y'a tellement de choses à vivre, tellement de choses à voir. Moi j'ai besoin de pif, trop, trop besoin de gloire. Car avant de remplir mon bide, je dois remplir celui du bled. Aider mon bidonville pour qu'il se pince après un rêve. Moi j'ai besoin de voir où le soleil se couche. Quitter ce goût de goudre qu'on a tous dans la bouche. Tellement de promesses à tenir, de choses à accomplir. Besoin d'un magazine et de magnifiques souvenirs. Mais dis-moi qui au monde c'est quand je partirai. Donc laisse-moi vivre à Londres sous une belle palmeraie. Avec tous mes potes, ma famille à mes côtés. J'ai besoin de leur nom pour savoir qui existait. J'écris ça comme un livre où les pages se terminent. J'ai plus de temps car je dois m'en aller loin de là. Avant que je fly, fly, fly, j'ai besoin de time, time, time. Prier dans le ciel, devenir un symbole. Déployer mes ailes que je m'envole. Faudra bien que je fly, fly, fly, j'ai besoin de time, time. Jusqu'à bien que je fly, laissez-moi vivre ma life. Juste avant que je fly, j'ai besoin de time. Avant que je fly, laissez-moi vivre ma life. Juste avant que je fly, j'ai besoin.